t-shirt large sur mon dos, dos large sur mes cuisses. Ils se sont pas fait seuls, derrière eux y'a la police. Ils appellent la police, mais crois-moi qu'ils appellent la police. Ils sont perdus, ils sont nuls, ils n'ont pas la solution. Ils viennent de Lyon mais notre ville est la salie. Si tu rentrais tu dis pas salut. La tête ça va me saouler, tu me fais coller. Ouais t'as du culot. Je vois derrière le hublot, à ton concert tu te fais huer. Lyon on sait beaucoup de boulot, y'a qu'à nos concerts tu vas vraiment suer. Crois pas que je vais te respecter, nous on fait eux ils font qu'inspecter. Je vais te respecter comme cette pute j'ai tapé et délaissée. Elle fait des manières mais je sais comment la faire revenir. Elle monte dessus, je vais là, elle en gardera des souvenirs. Tu veux nous mettre dedans, tu veux nous mettre dedans, tu veux nous mettre dedans, tu veux nous mettre dedans. On va te niquer ta mère, tu ils veux font nous les mettre. Durs parce qu'ils font des signes. Moi j'ai aucun diplôme, mais ben ouais. Donc je me félicite, tous les jours j'ai ma résine. Y'a pas un jour où je résiste. Heureusement, t'as la pharmacie. Dans ma vie personne m'assiste. Si t'es des miens, bah j'apprécie sortir de la merde, j'incite. Je vis dans des embrouilles aux assises. Je vis dans la cible. Je vis dans les noirs. Enlève ta skate car ego. Quand tu parles avec moi, j'ai pas d'amour. Je veux que tu viennes pécho dans la trappe, poteau. Même l'hiver il est chaud. Moi j'ai eu bout à pied. Moi j'ai eu bout à pied. Je me fais courser par la bague vu que j'ai le papier. Ouais j'ai eu bout à pied. Oh, je m'arrête toi là. Il dit que je suis dingue. Je réponds simplement tu chantes. Tu veux nous mettre dedans, tu veux nous mettre dedans, tu veux nous mettre dedans. On va te niquer ta mère, tu veux nous mettre dedans, on va te niquer ta mère. On va te niquer ta mère, tu veux nous mettre dedans, on va te niquer ta mère. Niquer ta mère.